changer rien. J'en avais trop fait. Tu crèves sans lendemain. Maintenant, il prépare l'insurrection qui vient. Maintenant, il prépare l'insurrection qui vient. Il ne voulait plus donner la vie au patronat. Il ne croyait plus au médiatement au quotidien. Il ne croyait plus les journalistes et bon bien sien. Maintenant, il réfléchit à l'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. Après s'être fait frapper dans des soutiens pour les sans-papiers. Après s'être fait coffrer juste parce qu'ils protestaient. Ils ont laissé tomber les réunions, les pétitions. Ils commencent à penser à une plus directe action. Est-ce que tu l'entends? L'insurrection qui vient. Est-ce que tu l'entends? L'insurrection qui vient. Que sont toutes les élections. Si tu dis aussi que c'est une guerre qu'ils nous font. Si tu penses aussi que sont toutes les élections. Si tu dis aussi que c'est une guerre qu'ils nous font. Va falloir en être de l'insurrection qui vient. We'll be right back.

je ne vois pas. Que mon corps s'invente en nid de peppermint. de les champs. J'ai feuille la menthe, à moins que je ne mente, j'aime la menthe. Je suis intoxiqué et je ne m'alimente que de volutes mentholées. J'aime la menthe. Céderai-je à ses caprices pour peu qu'elle me tourmente, pour devenir un vice cultivé ou sauvage, sage ou extravagante, chaque jour elle me tente. D'esprit. Paprika, les couleurs de l'arc-en-ciel. Paprika, sur des ondes éternelles. Paprika, l'amour, paprika, la vie. L'émission du soir, le vendredi. Paprika. Pour les sortir de l'enfer, sans argent ils sont impuissants. Oh,

boire son bidon, même si on n'est pas des pochetrons. On se met minables comme des cochons. À ta santé, patron. Même quand ça tourne pas rond sur la roue de tes convictions, au diapason de tes passions, ton baluchon plein d'émotions, l'unisson brille à l'horizon, comme à la maison. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavricap, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h. Voilà, ça fait déjà une cinquantaine de minutes qu'on écoute de la bonne musique. J'ai même pas voulu interrompre, hein. Je me suis dit, tiens, on a plein de bons morceaux à envoyer. On n'en a pas trop fait exprès, mais la plupart des morceaux que vous avez écoutés jusqu'à présent sont en français. D'ailleurs, on va les présenter, ça c'est important quand même. Ça c'est une des choses pour lesquelles je prends la parole pour interrompre la musique, c'est justement pour présenter les morceaux qu'on a passés et ceux qu'on va passer aussi. Hein. On est ensemble pour 3 heures. C'est l'émission numéro 561 et nous avons écouté depuis le début de cette émission les Red Daff avec le titre Faune qui est le titre aussi de leur nouvel album, hein, un superbe album des Red Daff. Nous avons écouté aussi le groupe Barricade avec l'insurrection qui vient. Bon, ça, on va voir. Hein. le groupe Narcos avec Made in China. Ça, par contre, c'est d'actualité parce que beaucoup de choses viennent de là-bas. Clem Chouteau, Clem qui est le chanteur des Lunatics, qui est venu ici plusieurs fois pour représenter le groupe Lunatics et que j'aimerais bien recevoir en tant que projet personnel. Clem Chouteau, qui a participé il n'y a pas très longtemps à The Voice avec un morceau qui s'appelle « Tes yeux se posent sur moi » et j'aime bien ce morceau-là, il est entraînant et tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour aussi enchaîner avec notre ami Alex Levay, avec un titre de son nouvel album qui s'appelle « Je te dois ». On a écouté aussi Lamante, j'aime bien cette chanson-là. Moi, ça me rappelle un petit peu le côté un petit peu Gainsbourg de Jack F. Voilà, je lui avais dit qu'on était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. J'ai dit, toi, il y a des artistes qu'on ressent un petit peu dans ta voix. Ce sont, par exemple, je me souviens plus qui c'est que j'avais cité, mais il y avait justement Gainsbourg, dans Serge Le Gainsbourg. C'est un style un peu qui aurait pu être chanté par Serge Gainsbourg, Lamante. On écoute aussi la chanson Mavrica, parce que depuis un petit moment, j'ai pris l'habitude de la diffuser assez régulièrement, parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a été enregistrée avec beaucoup d'artistes qui étaient passés les premières années dans l'émission Mavrica. Donc il faudrait presque l'actualiser, cette chanson-là, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, mais Mavrica est toujours là, à partir de 19h jusqu'à 22h, tous les vendredis soirs. Le vendredi soir, c'est avec Albino que vous passez votre soirée, il n'y a pas de souci. No More Back avec De Faim et De Froid, les Coming Terms Sect avec les Coming Terme secte, je le redis, avec Que restera-t-il de toi, La Jarry avec J'habite en France, Tribune Plus, un groupe de la région lyonnaise avec À Ma Merci, les Marmouse Garden qui sont déjà venus à deux reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et que j'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois sur scène avec un morceau qui s'appelle Comme à la maison. Ben, vous êtes comme à la maison sur Radio Arc-en-Ciel. Et juste après le générique, hein, parce que bon, après je ne vais pas interrompre les musiques, j'ai plein de choses encore à vous diffuser ce soir. Quelques nouveautés, hein, vous verrez, dont le tube de l'été, le slow de l'été, vous allez pouvoir voir, parce que chaque été, il y a quand même un slow qui se marque un peu plus et qui permet d'emballer dans les soirées. Hein, et ce soir, vous allez le découvrir, je vous le passerai tout à l'heure. Et là, pour continuer, on va continuer avec un groupe qui s'appelle The Black Tomat, et c'est In the Middle of the Night. On est qu'au début de la nuit, on est ensemble encore pour deux heures et quelques. C'est l'émission Marika jusqu'à 22h. éclatent des peurs de guerre, des jours de gris couleur de misère, des rêves d'été pour tuer l'hiver. Mets de côté tous tes préjugés pour t'affranchir de toutes tes barrières, pour survivre ensemble sur notre terre. Libérons-nous de cette atmosphère pour décrocher, tout faire vaciller. Destination ciel, regardez par la fenêtre, chercher la lumière où la vie nous irait bien. Destination ciel, terre de feu ou cercle polaire. Destination ciel, échanger nos lendemains. C'est dans la tour où tu désespères, au fond des ténèbres tu cherches la lumière, sous l'arc-en-ciel au fond de ton cœur. Vol pour te retrouver, partir, quitter le rivage, de nouveau voir ton visage, celui de la liberté. Partir au loin, s'évader, se détacher, s'envoler. Destination ciel, regarder par la fenêtre, chercher la lumière. Nous irait bien. Destination ciel, terre de feu ou cercle polaire. Destination ciel, échanger nos lendemains. Destination ciel. Let's wait. lay here. If I just lay here, will you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Bonjour, c'est Phil Cool et Olivier Mathéis sur Radio Arc-en-Ciel. Mon cher Albino, pour la 100e émission Mavrika, on te dédie notre tout dernier titre, Donne-toi le temps. Merci encore et bon anniversaire. Sablier retourné, y a comme un détail. L'histoire t'a échappé, l'amour a ses failles. Comme de ta mémoire qu'elle t'aimait. Devant le miroir, tu rêvais qu'elle soit fidèle. Donne-toi le temps. Le temps. Habille l'instant. Présent. On a de cesse de la faire s'éloigner vers d'autres caresses. Comme de ta mémoire qu'elle t'aimait. Au fond du miroir, tu savais ce qu'elle fidèle. Donne-toi le temps. Le temps. Habille-la. Donne-toi le temps.

not if you can hear me. Is there anyone home? Come on now. Are you feeling down? I can ease your pain. Get your feet again. Relax. très bon souvenir. C'était il y a quelques années, c'était dans l'émission numéro 182. Nous recevions un groupe belge. Voilà, il y a un groupe belge qui s'est déplacé à deux reprises pour venir jusqu'à Orléans sur Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau que vous écoutez, ça a été enregistré en direct live. Donc les musiciens, ils étaient autour de la table avec les micros et puis ils nous ont interprété ce morceau. Une reprise des Pink Floyd, vous l'avez reconnu, Comfortably Numb. Excusez-moi pour l'accent. Et le groupe, c'est les Question Mark. Voilà, un très bon souvenir. On va continuer dans les souvenirs, puisque dans l'émission numéro 188, nous avions un autre groupe qui est un petit peu en stand-by actuellement, mais apparemment il va revenir. Il s'agit du groupe The Grape, et on va réécouter un autre live qui a été enregistré dans l'émission numéro 188, donc un petit peu plus tard, et c'était aussi une reprise des Pink Floyd qui s'appelle Speak to Me. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, on a plein de comme ça des petites pépites à vous faire écouter, et j'espère que vous passez une très bonne soirée et que vous êtes bien tranquillement chez vous. Avec Rock and Roll Party, juste avant c'était les Uncle Backers avec Don't Blame Me, et juste après c'est une petite surprise, hein, ça a été demandé par Georgia que nous avions reçu il y a quelques ça fait déjà une année qu'elle était venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et le groupe s'appelle Sugar Baby Love. Ça vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle peut-être un titre des Rebettes, et effectivement c'est un groupe qui est recomposé avec le batteur du groupe Rebettes, et ça parle des abeilles et ça s'appelle Honey Love, et on écoute tout de suite les Sugar Baby Loves. Sympa, hein. Donc c'est les Sugar Baby Loves, donc le groupe créé par le batteur des Rebets, et c'est pour les abeilles, donc Honey Love, l'amour du miel. J'espère que vous aimez le miel. Vous savez qu'on donne une cuillère à café de miel, c'est juste une cuillère à café de miel, et puis en vérité c'est le travail de toute une vie d'une abeille. Voilà, on écoute un autre groupe, un autre artiste, je veux dire, c'est un artiste qui est venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était pas dans l'émission. C'était dans l'émission de Sébastien, et il était venu ici, il avait fait aussi un petit concert, et j'aimerais bien le recevoir dans mon émission. C'est un artiste portugais qui vit à Paris et qui chante en anglais, comme quoi c'est un Européen accompli. Il s'appelle Joseph César, et le morceau qu'on va écouter, c'est The Other Side. Just take my hand tonight. We'll go for a ride. We'll go to a new place this time. Wear your dress, what I like, so I can feel the sensation inside. Make yourself ready tonight. We'll go to the other side. You don't have to be afraid tonight. Go to the other side. No one will bother us tonight. We'll be free for a long time. I will take you to the other side. I will take you to the other world. But no one screams and no one cries tonight. I will take you to the other side. I will take you to the other world. But no one fights and no one dies tonight. On the other side. You don't need to ask anything. We'll find your answer soon. Tonight you can dream for a while. We'll be free on the other side. You just need to open your eyes. You'll see what I mean. Our hearts will be free for a while. Our souls will rise for the first time. You don't have to be afraid tonight. Go to the other side. No one will bother us tonight. We'll be free for a long time. I will take you to the other side. I will take you to the other world. And no one cries tonight. I will take you to the other side. I will take you to the other world. But no one fights and no one dies tonight. On the other side. Sympa, hein, Joseph César avec avec un titre qui s'appelle ah bah voilà, j'ai perdu la page. The Other Side, il l'a dit lui-même, voilà, heureusement qu'il est là pour me le rappeler. Joseph César, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, et c'est un gars super bien, et en plus il vous chante des chansons en français, en portugais et en anglais, comme vous pouvez le voir. Et j'espère qu'il viendra très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On continue avec un groupe qui n'existe plus, il me semble, parce que c'était vraiment dans les premières années où je l'ai reçu. Il s'agit du groupe Melmo, et le titre que je vous propose d'écouter, c'est GPS. Je me suis perdu, trompé de sens, voulu passer dans sa rue. Mais pas de chance, moi, le panneau, je l'ai pas vu. Pas gérer les distances à contresens. Je me sens perdu entre son cœur et son curieuse direction. Je m'en remets à mon GPS. Que tu l'aimes, mon GPS, mon amour. GPS sensuel, GPS de l'amour. Faites le tour de sa bouche, tournez à droite. Faites l'amour même si c'est louche, tenez la droite. Faites le tour de sa bouche, tournez à droite. Faites l'amour même si c'est louche, tenez la droite. Oh mon GPS, que tu l'aimes. Mon GPS, mon amour. GPS sensuel, GPS de l'amour. GPS que tu aimes, mon GPS, mon amour. GPS sensuel, GPS de l'amour. Si je me souviens plus, comment troubler ses sens? Et si je n'en peux plus, je ne tiens plus la distance. C'est ma station d'essence. Je fais le tour de sa bouche, je tourne à droite. Je lui fais l'amour, même si c'est louche. Je la tiens droite, mon GPS. Que tu l'aimes, mon GPS, mon amour. GPS sensuel, GPS de l'amour. Faites le tour de sa bouche, tournez à droite. Faites l'amour, même si c'est louche, tenez la droite. Faites le tour de sa bouche, tournez à droite. Faites l'amour, même si c'est louche, tenez la droite. Oh mon GPS, que tu l'aimes. Mon GPS, mon amour. GPS sensuel, GPS de l'amour. GPS, que tu l'aimes. Mon GPS, mon amour. Sensuel, GPS de l'amour, GPS, que tu l'aimes, mon GPS, mon amour, GPS sensuel, GPS de l'amour, GPS, que tu l'aimes, mon GPS, mon amour, GPS sensuel, GPS de l'amour. Compter.

j'en ai marre de lire des trucs moches sur les réseaux. J'en ai marre, très très marre, qu'on dise qui est laid ou ce qui est beau. Thank you. Alors donc ça c'est la petite musique pour vous dire qu'on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors habituellement c'est quand j'ai des invités que je diffuse ce petit cette petite musique pour pouvoir discuter un petit peu. Et ce soir j'ai un invité qui est là, donc c'était pas tout à fait prévu, mais au même temps c'était prévu. Mais ce qui était pas prévu, c'est que tu parles à l'antenne. C'est Fabien. Salut Fabien. Salut Albino. Salut à tout le monde. Alors pour ceux qui te connaissent un petit peu, qui écoutent Radio Arc-en-Ciel déjà, ils te connaissent un petit peu oui. Parce que tu as fait une émission pendant un certain temps. Ouais, qui s'appelait Côté Association, qui mettait en avant les associations locales. Voilà, et puis tu étais aussi avec notre ami Francky ouais. Voilà, donc chroniqueur chez Francky aussi. Chroniqueur chez Francky. Donc tu connais bien la radio, et puis ce soir tu es passé comme ça me voir, et puis on discutait un petit peu hors antenne, on s'est dit tiens, on va parler un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu deviens alors? Bah, qu'est-ce que je deviens? Je vais dire comme tout le monde, hein, bientôt les vacances. Mm-hmm. Donc ça c'est sympa. Et puis toujours un petit peu de radio sur une autre radio, mais en septembre je risque de revenir un petit peu dans... D'accord. Me promener du côté d'Arc-en-Ciel. Ok. Le matin. Donc t'as prévu quelque chose, une nouvelle émission Une émission, je pense, quelques chroniques avec Francky. Avec Francky. Ouais, je pense que ça va se faire à la rentrée. Mm-hmm. Francky qui fait vivre bien la radio le matin, puisqu'il reçoit plein d'invités. Alors lui, c'est vraiment tous les styles. Hein. Il peut y avoir des personnages politiques, il peut y avoir des chanteurs, il peut y avoir des acteurs, des sportifs, plein de choses comme ça. Et puis il a toujours quelque chose à leur demander. Donc les gens peuvent s'exprimer grâce à son émission tous les matins. Puis je pense que ça réveille pas mal de monde, ça accompagne les gens en voiture qui vont au boulot. Moi le premier, souvent je vais au boulot. C'est vrai que moi j'en ai pas pour très longtemps, donc en 5 ou 10 minutes j'écoute un petit peu son émission. Ouais. Et puis c'est vrai que donc c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui se démène hein, pour faire avancer, parce que bon, on va rappeler un petit peu comment fonctionne la radio Arc-en-Ciel. Ouais. C'est que c'est une radio associative, hein, les gens ne le savent pas. Tous les animateurs qui sont là sont des bénévoles, aussi bien que les gens du conseil, etc. Donc la radio ne tourne qu'avec des gens qui sont bénévoles, hein, qui donnent de leur temps et parce qu'ils sont passionnés. Et heureusement qu'il y a encore des radios comme ça, parce que ça nous permet aussi de passer un peu ce qu'on veut. D'avoir la programmation qu'on souhaite. D'ailleurs, on va dire un petit peu les morceaux qu'on a diffusés, puisque tout à l'heure on était en train de discuter. Ouais. J'ai diffusé pas mal de morceaux. On a écouté Joseph César, un artiste qui était venu dans l'émission de Sébastien. Tu te souviens, Sébastien, qui était aussi sur Radio Arc-en-Ciel le samedi. Sébastien Braham, ouais. Voilà. Donc il était venu dans son émission, et puis je l'avais accueilli parce que j'avais pas la possibilité à ce moment-là de le recevoir dans mon émission parce que tout était calé. Par contre, lui, il était venu dans l'émission à Sébastien, donc je m'étais déplacé aussi. On avait un petit peu sympathisé. Il était venu aussi pour un concert ici dans la région orléanaise. D'ailleurs, il est toujours demandeur. Hein. Si vous faites des concerts, si vous avez envie de recevoir des bons artistes, vous pouvez toujours demander à Joseph César de venir, parce qu'il chante, comme je l'ai dit tout à l'heure, en français, en anglais et même en portugais. Il chante des chansons. Trilingue. Et puis, il peut venir aussi avec des musiciens ou alors tout seul, hein, avec sa guitare. Il est capable de faire de plein mal de bonnes choses. Le morceau qu'on a écouté s'appelle The Other Side. Juste après, c'était le groupe Melmo avec GPS, le groupe Modèle Déposé, c'est pareil, un groupe que j'ai reçu dans les premières années de l'émission Mavrika, mais depuis il n'y a pas de nouvelles, je pense que le groupe n'existe plus, mais le titre que nous avons écouté est resté enregistré, donc on peut le diffuser autant qu'on veut, ça s'appelle Allez Viens. Juste après, une reprise d'une chanson de Michel Polnareff qui s'appelle Tam Tam, que tu as sûrement reconnu, hein, c'est quand même un des standards de la musique française, et c'est Lion Dasneves, je ne sais pas si tu connais, c'est un artiste d'origine portugaise. Oui, encore, oui. et qui chante en français, en anglais, il habite en France. Et je l'ai invité un jour, s'il a envie de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on réitère cette invitation, et ça sera avec plaisir, parce qu'il a beaucoup de talent, il fait pas mal de reprises comme ça, vous pouvez le suivre sur Internet. Juste après, c'était CNPUS, hein, ce qui est les initiales de Ceci n'est pas un slip. Ça s'est dit. Donc ça passe beaucoup mieux quand on écrit juste les initiales. Les initiales. Donc c'était la chanson de Jeannette Porquetebas, mais repris en français. Ils nous ont traduit les paroles. Et c'était un petit peu punk, donc c'était Pourquoi tu pars. Et juste après, c'était les Brigitte Bob que nous avons déjà eu l'avantage et l'honneur de recevoir dans les studio de Radio Arc-en-Ciel pour une émission. Et le morceau, c'est Toujours plus fort. C'est un morceau que je diffuse depuis quelques temps. Voilà. Qui est très bien. Voilà. Tu connais. Je les ai vus en concert. Ouais. Ils étaient sur Orléans. Et c'est vrai que ça envoie. Hein. Moi, c'est clair. Ouais. Moi, j'aime bien, ça envoie. Et puis, il est un peu revendicatif, notre aussi, ami oui. Bastos. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, il a écrit aussi un livre il y a quelques temps. Parce que c'est un groupe, quand même, qui est ancien, à peu près de l'époque des Burning Heads. Il a au moins 20 ans de carrière. Ils ont, je sais pas combien d'albums. En plus, ces albums, vous pouvez les télécharger très facilement et les écouter avec beaucoup de plaisir. Et puis, il faut aller voir surtout en concert, parce que là, ça envoie. Et c'est un groupe, ils sont à l'aise sur scène, et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des groupes comme ça, pas loin de chez nous, ouais, qui ont du métier et qui ont du métier. Partager leur musique. Ouais. Voilà. Très bien. Sinon, toi, à ton niveau, est-ce que tu as été à des concerts? Est-ce que dernièrement... Dernièrement, oui, j'ai fait... je suis allé un petit peu loin, du côté de Tarbes, dans les Pyrénées, voir le groupe espagnol Scapé. Scapé, ah ouais, Escapé. Ouais. Escapé, c'était un très bon moment. Ouais. Le week-end dernier, j'adore ce groupe-là. Et eux, c'est pareil, ils mâchent pas leurs mots, ils ont des choses à dire, ils le disent aussi. Ils sont assez militants. Ouais. Le week-end dernier, j'étais au festival L'Art de Rien à Vitry-aux-Loges. Mm-hmm. Et donc le vendredi, j'ai pu enfin voir Cut Killer. De ma jeunesse. J'ai vu les photos et t'avais partagé. Je dis Cut Killer, mais c'est effectivement, oui, c'est le DJ qui avait une particularité, c'est que lui, il coupait carrément. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser les potentiomètres, il... Ouais, non, c'était Cut Killer. Donc il coupait carrément les trucs. Et donc, toujours un artiste... C'est toujours très gentil, très abordable. T'as réussi à discuter avec lui et tout ça? Oui, bah, il est venu après voir le public à la fin. Parce qu'il a arrêté à 2h parce que l'autorisation était jusqu'à 2h du matin. Ouais. Alors qu'il avait commencé un peu en retard parce que les groupes d'avant avaient pris du retard. Mais... Donc il a écourté son set et il a été assez vite entre les morceaux. Ça, il avait pu le dire, il s'en est excusé. Mais du coup, après, il est venu, il a discuté un peu avec les gens, il a fait quelques photos. Enfin. Un gars comme ça, ouais, c'est sympa de voir qu'il reste simple et abordable, quoi. Mm-hmm. Et en plus, c'est vrai que, bon, nous, on aime bien le rock and roll, on aime bien plein de choses, mais quand c'est la musique qui envoie bien, même quand c'est la musique pour danser, tout ça, c'est entraînant. Et puis, souvent, quand on regarde des artistes comme ça, on est un petit peu motivé, on a envie de bouger, et puis on gigote un petit peu, et c'est vrai que ça met de l'ambiance, donc c'est... Bah oui, parce que tiens, une petite anecdote, ce soir-là, bah, moi, je dansais, je bougeais un petit peu, et j'ai une montre qui fait podomètre. D'accord. Et bien, pendant que je dansais, j'arrêtais ma montre et ben je faisais des pas. Bah oui, mais donc, j'ai fait du cardio pendant que je dansais. Ce qui explique pourquoi les gens dans les années 80, ils allaient en discothèque, ils étaient un peu moins gros que les gens d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Je dis ça pour plaisanter. Hein. Bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que danser tout ça, c'est physique. Bah donc, oui, c'est bon. Ça fait du bien. Ça, c'est bon pour le moral aussi. Ouais, pour le moral et tout ça. Donc bon, on dit aux gens, il faut aller toujours voir les artistes, il faut aller voir en concert. C'est mieux. Cut Killer, bon bah c'est. C'est différent parce que c'est un DJ, donc c'est des morceaux enregistrés, mais qu'il mixe sur place, il rajoute un tas d'effets et tout ça, c'est tout un travail aussi. C'est sûr. Alors David McLean nous dira que c'est pas de la musique, mais bon, après c'est des choses différentes, il y a plusieurs manières de faire de la musique, et ça c'est une nouvelle méthode. Et ce qu'il faut aussi, c'est se laisser entraîner par le rythme, c'est le rythme c'est clair, qui compte. Hein. Voilà, très bien. D'ailleurs, il y a eu, il y a quelques temps, c'était le Cocorico à la Ferté-Saint-Thomas. Thomas, j'ai pas eu l'occasion d'y aller cette année, mais il paraît que c'était très bien aussi encore. Il y avait, je connaissais un DJ sur toute l'affiche, c'était Vitalik. Oui. Les autres, je dois être un peu trop vieux maintenant. Et après, c'est pareil, il y en a certains qui sont connus, mais on connaît pas forcément, donc c'est l'occasion aussi de les découvrir. Hein. En tout cas, c'est bien qu'un événement comme ça existe dans la région, pour l'électro, c'est... Ouais, parce que dans la région, quand même, au niveau électro, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Il y a quand même le festival électro Jeanne d'Arc, qui est un des plus grands de France, hein, il faut quand même le dire. Et puis il y a Cocorico, ça s'appelle Cocorico? Cocorico Live, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est la Ferté, à côté du château, hein, dans le Grand Parc. C'est un beau site, en plus. Et un beau site, donc un bel endroit. Mmh. Et puis le son, l'année dernière, c'était notre ami Dej qui le faisait. Je sais pas si tu le connais, Jean. Davalone. Julien. Julien Dej. Desjardins. Desjardins, voilà, qu'on appelle Dej, hein, parce que c'est quelqu'un qui est venu ici à plusieurs reprises. D'ailleurs, on diffuse régulièrement des morceaux de Last Avenue, hein, dont il faisait partie. Mmh. Et aujourd'hui, lui, son métier, ça, il en a fait un métier. Ouais. Je me souviens quand il était venu ici la première fois, il a amené un rack avec des effets et tout ça. Il a toujours travaillé avec la technique. Mmh. D'ailleurs, il est très doué, hein. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est quelqu'un qui en apprend tous les jours, donc déjà il a un niveau possible, mais en plus il a toujours soif d'apprendre, c'est important, d'apprendre encore plus et puis d'évoluer. Et il me dit, et justement ce qui fait qu'il est toujours il va pas se vanter d'être le meilleur, il est toujours très humble, le mot que je cherchais. Et par contre, il fait un son excellent. Ouais, il connaît bien son métier. Ouais. Il connaît bien son métier. Et en extérieur comme ça, ça donne. Hein, c'est super agréable quand il fait beau. Voilà, bah très bien alors. Bah merci Albano pour l'invitation en tout cas, c'est gentil. Bah ouais, comme on s'était pas vu depuis un certain temps, on s'est dit tiens, c'est l'occasion de discuter un petit peu ensemble. Voilà. Dans l'émission Mavrica, il n'y avait pas d'invité programmé, mais ça se fait comme ça. Hein. Ouais, quelqu'un qui passe dans les couloirs, hop, on l'attrape. Puis, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi de venir dans l'émission de Francky. Voilà, on est ensemble et puis des fois il m'a dit tiens, on va discuter un petit peu, tu veux nous parler un petit peu. Une émission et tout ça, c'est important. C'est en toute simplicité. Ouais. En toute sympathie, voilà. C'est un bon moment partagé. Le côté humain. On aime bien ce côté-là, voilà. Donc on est, on veut continuer à faire des radios humaines parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes bien autour de nous, on a quand même un superbe studio sur Radio Arc-en-Ciel qui va encore évoluer puisque bientôt on aura un tout nouveau studio à la rentrée, hein. Donc vraiment un truc au top. Hein. Et, on est entouré de machines, tout ça. On pourrait faire de la radio sans se déplacer du studio. Mais finalement, on aime bien venir quand même. Oui, parce qu'on est au contact avec des gens et puis rencontrer des gens dans les émissions, les recevoir, leur donner la parole. Ça, c'est des choses encore plus importantes. Puis, oui, en radio, moi, j'aime bien aussi le contact de la console, des micros, enfin, casque sur les oreilles. Ça fait partie de l'univers radio, je trouve. Oui, c'est ça, c'est un peu triste, hein, mais bon, aujourd'hui, moi j'entends sur certaines radios où ils reçoivent aussi des gens. Quand c'est l'été, souvent, on s'aperçoit que c'est un petit peu artificiel, hein. C'est vraiment des machines qui ont pris le relais parce que tout le monde est en vacances et puis, on s'aperçoit que c'est, il n'y a pas le côté vivant, il n'y a pas le côté supplément d'âme, humain. Ouais. Voilà. Donc, sur Radio Arc-en-Ciel, nous, on continue comme ça dans l'émission Mavrica et dans les autres émissions aussi, hein, puisqu'on est de nombreux animateurs et nous avons tous des styles différents pour chaque émission et c'est quelque chose qui est super. Faut continuer. Bah continue comme ça, Albino, et on t'écoutera encore et encore et encore le vendredi soir. Voilà, et puis toi aussi avec ton émission sur l'autre radio, tu peux la citer peut-être aussi. Sur Radio Web Passion. Web Passion, aujourd'hui tu es là-bas. D'ailleurs, il y a Sébastien qui est aussi là-bas. Sébastien là-bas. Il y a d'autres personnes. Didier aussi, qui était chroniqueur dans l'émission Mavrica. Donc des gens comme ça qui sont, bon, il n'y a pas de rivalité entre nous, puisque de toute façon, on est complémentaires. Et au contraire, des fois, il y a des artistes que je reçois qui me demandent, il n'y a pas une autre radio, je vous les envoie. Et ainsi de suite. Inversement, oui. Inversement, parce que ce qui compte, c'est justement de faire la promotion des bons artistes. Oui. Ben oui. Et puis, bientôt, tu vas revenir donc dans l'émission de Francky. Le matin. Le matin, donc on pourra écouter ton agréable voix le matin, alors. Quel charmeur. Merci, Albino. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Et on va continuer avec de la musique. Alors, qu'est-ce que je vous ai programmé après, parce que moi j'ai toujours un truc d'avance en principe. Ah oui, ça, les Albino a toujours calé ses morceaux. Voilà. Il a une playlist grande comme le bras. J'ai calé le morceau, mais après je me souviens pas lequel morceau. Ce que je propose, c'est qu'on écoute la chanson des amants, donc Lover's Song, et ce sont les brunettes. Donc brunettes, tu les connais, les brunettes? Oui, c'est l'occasion déjà de les voir sur scène. Aussi, oui. Ouais, tu les connais depuis longtemps, non? Ça fait un an ou deux maintenant que je les suis. Je les ai connus par Dom Rousseau, le photographe de concert. D'accord, ouais. Dom qui fait plein de belles photos. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, là dernièrement, il parlait de... comment il s'appelle? Voilà, le nom m'échappe. La très grande guitariste d'origine anglaise qui s'appelle... Cox, c'est quoi? Lara Cox. Non, elle est française, ouais. Non, c'est... ouais, bon, ça revient. Bon. Si quelqu'un la connaît, envoyez-nous l'information. C'est parce que, en plus, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi. Et je me souviens qu'après le concert, elle était un petit peu fatiguée, elle voulait pas faire l'interview. Donc, je lui ai demandé si c'était possible de le faire à la radio. Et elle nous a appelé quelques temps après. Et dans l'émission, on a fait une interview par téléphone. Voilà, c'était important de lire. C'est sympa. Le nom va me revenir. Hein. Tout à l'heure, et tu le diras aux auditeurs de Marika. Je le dirai tout à l'heure. Voilà, donc et justement ils échangeaient à propos de cet artiste là que j'ai eu la chance de voir déjà plusieurs fois sur scène, qui est une très grande guitariste, hein, et donc je sais que notre ami Dominique, il est toujours Dom. Le photographe, il est toujours sur les bons coups. Il connaît les bons artistes. Il en connaît un paquet. Il a des superbes photos et tout ça. Et donc, c'est un petit peu le témoin de tous les concerts de la région. Et c'est tout sûr, ça. Donc, ça, c'est important. Bon, écoute, Fabien, quoi, je suis content de t'avoir... Moi aussi, c'était sympa. Retrouvé ici, un petit moment sympa. On va écouter un petit peu de musique, donc avec les Brunettes. Et puis on est ensemble jusqu'à 22h. Et d'ailleurs, je vous ai promis le slow de l'été. Donc je l'ai reçu en exclusivité, je l'ai écouté tout à l'heure. C'est super bien, vous allez voir, franchement, une dinguerie. Je vais vous le présenter après et on va l'écouter ensemble. Je pense que vous allez super apprécier. Et en plus, je l'ai reçu vraiment pendant l'émission. J'étais ici, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit « je te l'envoie par WeTransfer », etc. Ça a été fait, je l'ai ici, je l'ai écouté. Il était calé tout à l'heure, je vais le recaler à nouveau et on va l'écouter d'ici la fin de l'émission. Voilà, on continue avec The Brunettes et on est ensemble jusqu'à 22h. We'll be right back. effacé. Pour certains, pas d'avenir, vous êtes déjà condamné. De ceux qui m'ont baptisé, ils ont eu raison dans le front. Les lignes, ils vont appeler, pas d'erreur. We'll be right back. un groupe qui a participé au dernier Maverick Live avec un morceau qui s'appelle Life is Trust. Juste avant, c'était les Waterfall avec Génération Tchernobyl. Et on a commencé cette petite série musicale avec Lover Song des Brunettes. Voilà, le moment est venu d'écouter le slow qui tue le slow de l'été. Donc l'été 2023 sera au son de cette chanson que nous allons écouter tout de suite. C'est une chanson d'amour, hein, comme la plupart des grandes ballades. Et c'est un groupe qui s'appelle Prisma qui nous l'a envoyé pendant l'émission. Hein, donc on va le découvrir ensemble. Moi, je vais vous avouer, je l'ai déjà écouté en pré-écoute. Et franchement, ça envoie du bois. C'est une très belle chanson. Et je suis sûr que tous les amoureux vont se retrouver sur cette chanson-là. Il s'agit d'une chanson qui s'appelle No More Tears. Voilà, donc c'est la version qui n'est pas encore tout à fait définitive. C'est pour ça qu'elle a mis un petit peu de temps à démarrer. Voilà, No More Tears, le groupe Prisma. Don't you realize? quelle belle chanson, No More Tears, le groupe Prisma. Et je suis sûr qu'il va y avoir des rencontres sur cette chanson. Et ça sera la chanson de certains couples, bien entendu. En tout cas, une très belle chanson que nous découvrons ce soir et que nous allons diffuser dans les prochaines émissions. Ça, c'est certain. Voilà. On va continuer avec un autre groupe qui est venu il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Noitol. Et nous allons écouter un morceau qui s'appelle Breaking My Enemy. On est ensemble jusqu'à 22h, donc le temps passe très très très vite et on va essayer de diffuser le maximum de musique. Christo Amnesia qui est venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Là, vous entendez encore la voix de l'ancienne chanteuse puisque maintenant elle est partie. Et donc, le groupe Drive to Amnesia que nous allons recevoir très bientôt puisque la formation a un petit peu changé. Et donc, Mélanie a quitté le groupe. Donc, le groupe s'est restructuré. Mais il va revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et il va pas abandonner pour autant. Et, donc, l'aventure continue pour les Drive to Amnesia. Le morceau qu'on écoute, c'est First Sight. Voilà. Juste avant, vous avez sûrement reconnu ce rock endiablé, puissant et mélodique en même temps. Il s'agit du groupe Noital avec Breaking My Destiny. Et encore avant, vous l'avez découvert, ça y est, le slow de l'été, vous l'avez dans la tête, j'espère. Si vous l'avez pas encore, ben, on l'écoutera la semaine prochaine, comme ça, on va vous le mettre vraiment dans la tête cette année. On va vous le diffuser à plusieurs reprises. C'était le groupe Prisma avec No More Tears. Juste après, on va continuer avec Planet of Pixies et un morceau qui s'appelle Where Is My Mind. Voilà. Je remercie notre ami Fabien d'être passé dans le studio. On s'est entretenu pendant quelques minutes. Voilà, c'était pas vraiment prévu, mais ça nous fait toujours plaisir de se retrouver autour d'un micro et de discuter un petit peu. Fabien, que vous allez sûrement retrouver donc à la rentrée avec notre ami Francky le matin. Je voulais aussi remercier notre ami Florent. Tiens, d'ailleurs, je sais que Fabien nous écoute encore sûrement à la radio en rentrant chez lui. Il y a Christophe du groupe Prisma qui lui passe le bonjour et Florent aussi qui lui passe le bonjour. Et Florent, je voulais parler à nouveau de lui puisque c'est lui qui nous fait les podcasts de l'émission Mavrika. Régulièrement, je partage les liens. Vous pouvez aller voir le podcast, la page où vous pouvez télécharger ou réécouter les émissions que vous avez loupées. Donc, comme ça, vous êtes impardonnable. Toutes les émissions de Mavrika ainsi que celles des autres émissions de Radio Arc-en-Ciel, hein. Vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les télécharger, les écouter quand vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez même les conserver, parce que c'est vraiment des petites perles, souvent. Voilà, en tout cas, on est ensemble jusqu'à 22h, donc le temps passe très très vite. Je vous retrouve tout à l'heure, juste après Planet of the Pixies, et le morceau qu'on va écouter, c'est Where is My Mind. Stop. projet de Bruno Bauer qui était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'il a un projet déjà lui tout seul, il chante hein, et il a aussi ce groupe de reprises qui s'appelle Planet of Pixies qui reprend une chanson des Pixies bien entendu puisque c'est un cover. Peut-être un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel ils viendront interpréter des morceaux, en tout cas on découvre ce morceau-là depuis quelques semaines dans l'émission Mavrica. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission et ce que je voulais dire c'est que il faut que l'on dise des phrases magiques avant de se quitter. Première phrase, c'est que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. On est ensemble jusqu'à 22h et on va écouter encore au moins deux chansons. La suivante que je regarde dans mes petites notes. Merci à tous ceux qui sont intervenus aussi sur le Facebook de l'émission Mavrica. Il y en a de plus en plus, donc je vous salue à tous. Et puis ça me fait vraiment plaisir de savoir que cette émission est toujours aussi bien suivie, même pendant les vacances, hein, ce qui est un petit peu surprenant. En tout cas, on vous fait un gros coucou. Alors il y a plein de gens, voilà, donc je suis en train de lire rapidement en même temps ce qui se passe parce que c'est important aussi de savoir la suite des événements parce qu'il y a des messages qui arrivent à chaque instant. Donc voilà, surtout à la fin là de cette émission. On arrive bientôt à la fin de cette émission et puis je suis en train de regarder donc les morceaux qu'on va diffuser avant de se quitter. On va continuer avec un morceau qui a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Lors de son passage, c'est notre ami Stéphane Acoustique qui était venu avec sa guitare, simplement, voilà, une voix, une guitare, et souvent on fait des superbes enregistrements, d'où l'idée de récupérer le fichier qui a été enregistré ici dans les studios, de le remasteriser. Donc c'est ce que a fait notre ami Stéphane, donc c'est un morceau qu'il a repris un petit peu chez lui, il l'a arrangé et vous allez voir, ça rend vraiment bien. C'est le titre Les Grenouilles, enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et remasterisé par notre ami Stéphane. On écoute tout de suite Stéphane Acoustique. L'été refaire le chemin avec mes propres enfants, la maison des grands-parents au lavoir de la Font à Blanc. Passé avec mon grand-père et le chien, le rendez-vous des soirs d'été, le pèlerinage quotidien, marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux, tant que les grenouilles seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Sacré fait, avec eux d'y retourner. Le temps passe, mais les grenouilles, elles y sont restées. Je suis content de leur montrer, de leur passer le relais. Mais ça pique à l'intérieur, c'était hier, c'était le bonheur. Marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux, tant que les grenouilles y seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Garçon. parfum. Cette personne, c'est notre ami Chris qui est venu avec je ne sais combien de projets différents. La première fois, je crois que c'était avec le groupe Métaphore. C'était la première année de l'émission Mavrica, donc ça fait un petit moment. Depuis, il nous a proposé plusieurs projets différents et à chaque fois, c'est un vrai bonheur parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. C'est Chris avec le titre « C'est pas ma faute » et on se quittera avec un morceau encore après. Voilà, je n'ai pas résisté à l'idée de le diffuser. Voilà, donc c'est Manu Lorca avec Tu me disais, qu'on écoutera pour se quitter. Donc ce que je vous dis dès à présent, c'est je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, hein, 96.2 MHz. Vous pouvez aussi nous écouter sur www.radio-arc-en-ciel.com et .fr, ça marche aussi, vous inquiétez pas. Donc l'un ou l'autre, vous savez que c'est radio-arc-en-ciel, tout simplement. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine à partir de 19h. Pour l'émission numéro 562, on sera ensemble pour 3 heures de musique, de la musique que je vais vous préparer pendant toute la semaine, comme ça vous aurez des très bons morceaux, et je vais essayer de fouiller un petit peu dans toutes les pépites que j'ai dans mes disques durs. Voilà, cette émission est terminée, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Tu me disais, partons, je te fuis, prenons une autre route, loin de tes doutes, déplaçons les dunes de nos plages d'automne, pour y planter des vignes, sous un ciel plus digne. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver le chemin. Espoir du lendemain, tu me disais, qui sont les fils du cœur, sous un tendre manteau, qui nous tiendra chaud, à l'abri des démons, à l'abri des mensonges, pour nous construire un monde, à l'âme vagabonde. Mais aujourd'hui j'attends toujours de trouver des portes de l'amour, espoir de lendemain. Mais aujourd'hui j'attends toujours.